Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'épisode numéro 43, enregistré le 21 octobre 2018. Je suis Axel, votre hôte durant cet épisode, mais je ne suis pas seul puisque j'ai mon fidèle compagnon à mes côtés, en la personne de Morgane. Salut. Salut. Comment tu vas ? Bah ça va. Je reviens un petit peu en forme parce que j'avoue que bah le mois de septembre, mais vous le verrez hein, dans le sommaire. Ouais, dans le sommaire, on a été un peu faible. Très faible, mais ouais. Moi j'assume totalement que ça arrive dans la vie d'un cinéphile, qu'on n'ait plus envie. Qu'on n'ait plus envie de voir des films, qu'on ait moins la motivation d'aller au cinéma. Qu'on regarde autre chose ou qu'on fasse autre chose aussi. Oui. Voilà. Bon, j'ai repris mes études, donc du coup ça prenait du temps, recherche de stage, tout ça. Mm-hmm. Puis on va pas se mentir, je trouve que les rentrées de cinéma, chaque année, c'est toujours l'horreur. Il y a jamais rien. Il y a un film que j'ai trouvé magnifique, on va en parler. Ouais. Mais sinon, le reste, soit ne me tentait pas, soit était unanimement détesté. Venom, il est sorti début octobre, je crois. Début octobre. Il y a les frères Sisters, on va pas en parler. Moi, je voulais le voir, mais j'ai pas eu le temps. Honnêtement, ça me tentait pas du tout. Ouais. Même à dire. En fait, j'avais pas envie. Enfin, voilà, j'étais pas motivé, donc. Mais là, ça y est, depuis mercredi, et je m'étais dit que je retournerai au cinéma avec un film qui allait me pousser. Ouais. Et je suis allé voir le Lars von Trier, donc on peut dire que... voilà, niveau... il donne envie d'y revenir au cinéma. Hier, je suis allé voir Le Jeu de Fred Cavaillé. Ouais. Demain, je vais voir First Man. Ouais. Et mardi, je vais voir Predator. Et mercredi, je vais voir Capharnaüm. Non, ça bouge. Ouais. Il y a Le Grand Bain qui va sortir. Il y a Halloween. Voilà. Ça y est. Ça va. Ouais. Donc oui. Comme je disais, désolé, je te coupe. Ouais, les mois d'octobre sont toujours fabuleux. Mm. Les mois d'octobre sont bien. En 2013, il y a eu Gravity, La Vie d'Adèle. En 2011, même si j'aime pas, il y a eu Drive. En 2014, Mommy, Gone Girl. Ouais. Et Interstellar. Interstellar, c'était en novembre. Mais le 5 novembre, jour de mon anniversaire. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Offrez-moi des cadeaux, les fans. C'est vrai qu'en octobre, c'est toujours un peu la période où ils reviennent vraiment en force. Parce que le mois de septembre, c'est toujours c'est la vache maigre niveau cinéma. Quoi. C'est toujours, c'est bizarre. Ouais. Hein. Donc, moi, c'est un peu pareil que Morgane. J'ai mon travail, du coup, comme je travaille dans 3 lycées différents en tant qu'informaticien. Le souci, c'est qu'à la rentrée, c'est toujours la galère sans nom. Et là, en plus, ça a apporté pas mal de soucis. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai été aussi très occupé comme Morgane par d'autres choses. Et du coup, et aussi le fait qu'il y ait pas beaucoup de films qui sortaient, qui m'intéressaient vraiment. Ça a fait qu'on n'est pas allé très souvent au cinéma, mais c'est pas grave parce que de toute façon là en octobre on va revenir assez fort puisqu'on vous prépare une petite surprise pour le 31 octobre. On vous dit pas de quoi ça parle, mais je pense que si vous mettez les indices ensemble, vous devinerez facilement de quoi on va parler. On fait un épisode spécial de Movies Nerd et aussi on reviendra. C'est bon. Non, les fans auront compris. Sinon les autres découvriront en même temps et le mois d'octobre on va parler de tous les films que tu as dit déjà, le Lars von Trier. Octobre sera chargé à mort. Là, je pense que là, en fait, on la joue doucement. Là, ça va être. Oui. C'est un épisode vraiment calme. C'est un apéritif, c'est un apéro. C'est ça. Plat de résistance arrive. Voilà, il arrive après. C'est ça, exactement. En parlant du sommaire, on va parler. Donc, Morgane va vous parler de La Nonne qu'il a pu voir. Je vais vous parler. Non, j'ai pas vu La Nonne, heureusement, sinon j'ai peur. J'ai pas vu en vrai La Nonne, attention. Le film. J'ai vu le film La Nonne. Ça fait partie, si je me trompe pas, de l'univers Conjuring, c'est ça ? L'univers con surtout, mais oui, Conjuring avant tout. Ok, je suis pas encore totalement out de tout ça. T'es dedans. Non. Et moi je vais vous faire une petite rétrospective sur un film que j'ai découvert et que je voulais voir depuis longtemps, A Bittersweet Life, donc ce sera assez rapide aussi. Le film du mois, on va vous parler de Première Année, je vous ferai une petite minute nerd sur deux petites choses très rapides aussi, donc c'est un programme qui va pas être très chargé, Mais voilà, on va vous faire ouais, un truc. le sommaire, enfin la présentation est plus longue que le reste de l'enregistrement. En fait, on essaye de meubler, on raconte nos vies un petit c'est peu. Clair, enfin c'est voilà, clair. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi hier soir? Non, faut meubler un peu parce oui, que. Oui, Bon. parce que. Mais non, mais voilà, au moins ça fera un épisode un peu moins long que le dernier qu'on a sorti, qui était le hors-série sur l'été et qui avait pas mal de choses à dire. Ouais, Donc ouais, ouais. Voilà. Eh ben, je propose qu'on commence tout de suite avec Démarrons. Du coup la Selec, c'est parti. On est donc à la première rubrique de ce podcast, la Selec, et Morgane va nous parler de l'Anon, du coup, film que tu attendais, peut-être ? Non, je pense pas. Je pense pas que tu l'attendais vraiment, voilà. Non. Non, mais j'attends plus trop les films dans l'univers de Conjuring, même si à ma décharge, je dois l'avouer, je sais qu'Adrien me soutiendra, j'ai adoré Annabelle 2. Je trouve qu'Annabelle 2 est un des derniers films. Il est sorti quand, celui-là ? Il est sorti en... Cette année ? En 2017. 2017, ok. Ouais, en août 2017. Et vraiment, il était excellent. Je trouve que c'est un des derniers bons films de genre qu'on ait eu. Et pourtant, voilà, il revenait de loin parce que rappelons que le premier Annabelle était une vraie bouse. Et j'avais pas vraiment aimé Conjuring 2 non plus. Voilà, oui. Il m'avait déçu. Mais je demande à le revoir parce que j'étais fatigué ce soir-là, je me souviens. Et puis la salle était horrible. Enfin. Ouais, comme d'hab, ouais. Hein, genre de film pour les films d'horreur, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà, c'est pour ça que je crains Halloween parce qu'il sort pendant la période des vacances scolaires. Là, il sort. Ouais, ouais. Ça va être super en plus. Donc, ouais. Voilà. Donc, bon, je vais quand même aller voir la nonne parce que personnage quand même le plus iconique de Conjuring 2, c'était Valak, hein, de son prénom. Enfin, je l'ai sur Snap, on s'envoie des snaps de temps en temps. Quelques nudes et tout. Et. Ouais, de son côté, ça doit pas être terrible. Ah ouais, bah c'est ça. Bah, elle la culpabilise hein, parce qu'elle a fait vœu de chasteté, hein, mais bon. Ouais. Donc, non, plus sérieusement. Le problème, c'est que je l'attendais parce que. Enfin, c'est pas que je l'attendais, mais c'est que j'étais quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce personnage-là. Et moi, je suis toujours partagé parce que c'est vrai que dans Conjuring 2, c'était le seul élément qui m'avait plu. Même si j'avais pas aimé ce qu'on en avait fait, mais je trouvais que les moments d'angoisse que j'avais ressentis devant Conjuring, c'était les moments où ce personnage-là était devant la caméra, ou hors caméra, jumpscare et tout. C'était vraiment tout ce qui la concernait. Elle était vraiment fascinante, quoi. Elle était même visuellement, elle est impressionnante. Là, je trouve qu'on rejoint plus Annabelle 1 en termes de réussite, tant sur le niveau horrifique que sur le niveau esthétique. Niveau réalisation, c'est quelqu'un oui, qui. Oui, aussi, niveau réalisation. C'est qui l'a réalisé Bonne question. Bah, raconte ta vie pendant que je vais voir sur Google. Non, désolé, en fait, je te pose une colle. J'ai pas été regardé, mais. C'est Corinne Hardy. En fait, Hardy Ouais, voilà. Ce que je me posais comme question, c'est est-ce qu'il avait officié déjà dans l'univers de Conjuring ? Et apparemment, c'est... non. Apparemment, non. Il a fait Le Sanctuaire en 2016. Oui, voilà. Non, bah, il a pas. Et c'est lui d'ailleurs qui. Ou c'est le scénariste de la nonne qui va réaliser Conjuring 3. Bon, en tout cas, ça part très mal. Non, mais là, on est un peu sur le déclin. Mmh. Et qui va aussi réaliser Annabelle 3, d'ailleurs. Là, en fait, le problème, c'est que les personnages secondaires, que ce soit en film d'horreur ou pas, je trouve que dès l'instant où on essaye d'en faire des personnages principaux, ça marche une fois sur 12. Ça a marché avec Annabelle 2, parce qu'ils avaient compris, contrairement au premier, que Annabelle était le moteur... celle qui devait justement être amenée l'angoisse, les frissons et qui instaurait une ambiance à elle toute seule. Donc c'est pour ça que dans le 2, je trouve que la poupée est magnifiquement utilisée et crée vraiment des moments d'angoisse qui sont mais terrifiants, que là, ça ne prend jamais. J'ai vraiment pas eu peur. Alors, quand on me connaît, on sait très bien que c'est très facile pour moi d'avoir peur, et dans la vie, et devant un film d'horreur. Là, j'étais allé le voir accompagné de mon copain. Ouais. Lui était tétanisé. Moi, j'étais un peu quand même consterné parce que je trouvais que... c'était quand même de la facilité et j'ai quand même trouvé ça horriblement moche. Après, je dois reconnaître que ça m'a pas ennuyé. C'est-à-dire que ça dure 1h35, 1h40. Ça m'a tenu parce que je suis facilement captivé par ce genre de film. Je m'ennuie très rarement devant un film d'horreur. Parce que je suis toujours pris par, voilà, par l'ambiance. Là, le problème, c'est que l'ambiance, elle est quand même un peu tiède. Il n'y a pas vraiment de... n'y a pas vraiment de pâte, il n'y a pas vraiment d'esthétique, il n'y a pas de recherche, c'est pas très créatif, il n'y a rien de neuf, c'est un peu poussiéreux en fait. On se dit que finalement, s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été pareil, parce qu'on n'apprend pas plus de choses sur le personnage. En tout cas, le peu qu'on apprend, ça n'a pas vraiment d'intérêt et il n'y a pas de plus-value. Enfin, je pense qu'on la reverra dans Conjuring 3, parce qu'elle n'est pas morte dans le 2. Où ils la font disparaître, quoi. Tel un Pokémon qui disparaît de... voilà. Dans sa Pokéball. Dans sa Pokéball, mais en tout cas, je pense qu'elle va revenir. Mais quand je vais la voir dans Conjuring 3, contrairement à Annabelle que je vais revoir, c'est pour ça que le 2 était réussi, c'est qu'on m'a donné des éléments nouveaux qui vont me permettre de me munir de choses qui font que, à mon visionnage, ouais. T'auras plus d'informations que le spectateur qui va voir juste Conjuring 2 et Conjuring 3. Voilà. Ouais. Et là, le problème, c'est que bah, je trouve qu'on n'en fait pas grand chose. Ouais. Donc, ça, c'est un espèce de train fantôme attendu qui est là pour, je pense, plus amasser du fric que d'étoffer un univers qui, je trouve, là, là on est quand même dans quelque chose de dangereux. Enfin, de... on va vraiment sur une pente descendante, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, James Wan ne réalisera pas Conjuring 3. Et je pense que ce qui faisait que ça tenait, c'était lui, quoi. Même si j'aime pas Conjuring 2, enfin, aux dernières nouvelles, ouais. Bah, y avait quand même la patte James Wan qui fait la différence. C'est pour ça que c'est Inside Us 3 et Inside Us 4 sont, à mon sens, ratés. Il n'est pas là. Et c'est lui, je pense, qui faisait le sel de tout ça. Il n'y a que lui qui peut sauver l'industrie, enfin, l'univers Conjuring. Ouais. Là, il laisse ça à des faiseurs. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée parce qu'ils ne savent même pas quoi faire de leur truc. Ils en font juste des trains fantômes. Donc oui, ça amuse les jeunes qui vont aller voir ça. Ils vont crier à chaque jumpscare. Mais au bout d'un moment, les jumpscares, on les connaît. Ça fait quand même des décennies que le cinéma de genre existe. Ça fait des décennies que les codes, on les a bien ancrés dans notre subconscient. Donc on peut anticiper facilement. Et là, il n'en fait rien. C'est juste un film qui n'est pas désagréable. C'est distrayant. Hein. J'avais mis 2,5 sur 5. Hein. Mais... c'est vrai que là, c'est pas un film que je conseille. Il passe à la télé, regardez-le. Ça va, c'est pas méchant. Il y avait pire à faire. Ouais. Mais franchement, c'est inoffensif, quoi. Ouais. Et c'est dommage, ça s'appelle La Nonne et le personnage de La Nonne ne fait même pas peur. Moi, j'ai pas eu peur du tout. Hein. C'est même pas ça qui m'a fait peur. Moi, c'est des apparitions de fantômes, de tout ça, des petits bruits. Mais quand elle est là, bah, autant dans Conjuring, quand on la voit en ombre, quand on voit son l'ombre chinoise et tout, enfin en ombre chinoise, quand on la voit dans le fond, quand on la voit traverser un couloir, ça faisait peur. Alors là, pas du tout. Donc c'est dommage. Ok, ouais. Donc ouais, pas, enfin à part pour les méga méga fans, ça vaut vraiment pas le coup d'aller voir ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, franchement. Ouais, et pas... même les méga fans n'en sortiront pas avec beaucoup d'informations en plus. Non, parce que ceux qui avaient adoré Conjuring 2, et j'en connais, sont allés voir La Nonne, sont sortis, mais consternés, quoi. Mais de toute façon, les films issus du Conjuring Universe sont pas vraiment appréciés. Annabelle 1, on s'en souvient quand même que ça a été... même si je pense qu'Annabelle 1, on l'a plus critiqué à cause de la polémique qu'il y a eu quant à aux réactions des gens qui sont allés voir ce film-là, des jeunes qui ont foutu un bordel monstrueux dans la salle et le film avait été retiré des labels UGC. Ouais. Mmh. Je pense qu'on a plus critiqué le film par rapport à ça. Ouais. Le film en lui-même n'était pas plus raté qu'autre chose, quoi. Enfin, il était raté, mais c'était pas non plus. Ouais, c'est un film d'horreur banal, quoi. Oui, voilà, c'est pas le Dragon Ball de Conjuring Universe non plus, quoi. Donc, non, faut se calmer. Et je pense qu'Annabelle, justement, comme pareil, le personnage dans Conjuring faisait peur. Enfin, la poupée faisait vraiment peur. Là, dans le 2, ils avaient compris. Je me disais, ah, une bonne nouvelle. Donc, le Conjuring Universe, ça y est, ils ont compris. Mm. Non, là, avec Canon, on est. Non. Ouais. Mais ça fait le boulot, mais ça suffit pas, quoi. C'est okay, pas ce que j'attends. Très bien. Ok, bon ben voilà, vous avez l'avis de Morgane sur La Nonne. Moi je vais passer complètement à autre chose. un bon film, un très bon film, un excellent film. Avec A Bittersweet Life, donc film coréen sorti en 2005 par Kim Ji-woon, réalisateur notamment de J'ai rencontré le diable, Le bon, la brute et le cinglé, Deux sœurs, entre autres, Le dernier rempart, ça c'était plus. S'il avait tenté ouais, ça. Son excursion aux États-Unis avec Arnold Schwarzenegger. Et on n'oublie pas, je crois que c'est lui, Le bon, la brute et le cinglé. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que j'ai dit juste avant. Ouais, désolé, j'ai pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Qui est très très bien. Ouais, qui est excellent, qui est vraiment très drôle aussi. Enfin, par rapport à ses autres films. Oui, c'est lui. Ouais. C'est... parce que les autres films sont pas vraiment drôles. Genre, J'ai rencontré le diable, c'est un des trucs les plus sanglants et les plus violents que j'ai pu voir dans ma vie, je pense. Mm-hmm. Vraiment. D'ailleurs, il va sortir un film bientôt sur Netflix, lui. Hein. Oui, on espère que ce sera un peu mieux. Ilang, The Wolf Brigade. Je crois, ouais. Ça doit être ouais, ça. Ouais, ouais. Je sais pas, il est prévu pour quand, mais... Ouais, et du coup, on espère que peut-être ce sera un peu mieux que Bong Joon-ho a pu faire avec, avec Okja. Ouais. Et en espérant que ce soit aussi bien que le Alfonso Cuarón, il va sortir Roma sur Netflix, je sais pas quand, mais il paraît que c'est magnifique. Donc, ok. C'est Cuarón, bon, en général. C'est cool. Bon, après, on va pas se. Enfin, tu sais, pour l'instant, je crois que j'ai jamais vu un film Netflix qui m'a impressionné au point de me dire ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment un film qui valait vraiment le coup, quoi. Bah, t'as pas vu. Enfin, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'en avais parlé le film là. Oh, comment ça s'appelait le film Netflix là que j'avais rattrapé qui... Ah, si, non, pas Hush là. Ouais. Avec les enfants là, avec leur babysitter. Mais oui, celui qui joue dans Pan là, qui c'est une histoire. Un maman j'ai raté l'avion version horrifique, j'en avais parlé dans le podcast. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ah je sais plus c'était quoi le titre. Je me souviens plus du titre, mais ouais, ouais. Ouais, mais, je sais plus. Enfin, mais il est très bien. Mais c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est très oui, bien. Voilà. Ouais. En tout cas, ouais, c'est ce que c'est pour l'instant. Enfin, j'ai pas vu de. On attend le Martin Scorsese, on attend le Kim Ji-woon, mais et le Alfonso Cuarón. Bien sûr. Pour dire, voilà. Donc, A Bittersweet Life, sorti en 2005, donc réalisé par Kim Ji-woon. Ça parle de Sun Woo, qui est le bras droit de Kang, qui est une figure éminente de la pègre. C'est un tueur et administrateur doué, tenancier d'un hôtel de haut standing. En fait, c'est sa couverture. Pour être bras droit de la figure de la pègre. Sa vie bascule, pardon. Je suis en train de lire le synopsis, mais j'essaie de le modifier pour pas parler, enfin pour pas dire de spoiler, parce que c'est un peu compliqué de parler de ce film justement sans révéler des choses très importantes et que j'ai pas envie de vous dévoiler sans que vous ayez vu le film en fait. Donc sa vie bascule lorsque le jour où il accepte de surveiller la toute jeune maîtresse du patron suspectée par ce dernier d'infidélité, Sun-woo tombe sous le charme de cette jeune femme et décide de taire la liaison qu'elle entretient avec un jeune étudiant, trahissant ainsi le code d'honneur de la mafia. J'irai pas plus loin parce que après ça part en cacahuète, vous imaginez bien, mais c'est ça le charme du film. Donc, comme je disais, le problème de ce film, c'est qu'il est vraiment tellement bien et qu'il m'a tellement surpris dans sa façon de raconter une histoire qui semble plutôt simple. Ça a l'air d'être une simple histoire de mafia, de code d'honneur, etc., comme on en a vu des centaines. Mais qui finalement se révèle avoir plusieurs lectures complètement différentes, que j'ai pas envie de le gâcher pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir. C'est comme souvent avec les films provenant de cette nouvelle vague coréenne. Les apparences sont très souvent trompeuses et aucune information concernant la véritable nature des films n'est donnée facilement au spectateur. C'est à lui de se faire sa propre idée du film et c'est ce que j'ai toujours énormément apprécié avec ce cinéma coréen. Les acteurs, pour parler du film, les acteurs sont vraiment exceptionnels, tout particulièrement le personnage principal, donc Kim Soon-woo, qui est tout de calme et de froideur en apparence, mais qui cache un véritable démon en son fort intérieur, et que j'ai trouvé interprété avec brio par Lee Byung-hun, qu'on avait vu malheureusement dans Terminator Genesis en T-1000, mais ça on oublie. Il a fait d'autres choses. Ah ça. Ouais. Il a fait d'autres choses. Non mais on peut pas oublier ouais. Hein, Terminator Genesis. Non mais attends, parce que je dis ça, mais à l'époque je l'avais quand même dit que c'était pas si. Ça va. Ouais, il y a non, pire. Mais... Ouais, oui, il y a pire, c'est vrai. Mais au niveau Terminator, je crois pas qu'il y ait pire. Oui, c'est vrai. Ouais. La réalisation de Kim Ji-woon est impressionnante, toujours très belle. En fait, je la trouve toujours très froide et en même temps très, très violente aussi par certains moments. C'est assez impressionnant. L'histoire n'a pas un seul moment faible. Le rythme est vraiment tenu avec brio, grâce à un montage dynamique quand il est nécessaire, tout en sachant ralentir le rythme durant les nombreux moments de tension parsemant le film avec finesse. Personnellement, moi, je peux que vous conseiller ce film. Ça m'a retourné le cerveau. Non mais non, ce que t'as dit avec finesse, j'ai dit Louis de son prénom. Ah. J'ai pas compris. Moi je peux que vous conseiller de voir ce film, c'est vraiment il m'a retourné le cerveau. Malheureusement je peux pas vous expliquer pourquoi vraiment dans le détail. Non, vaut mieux pas parce que pareil, moi je l'ai vu à la découverte totale hein. Je pense que tout la force, l'impact qu'il a sur toi joue en fonction de ce que tu sais du film avant. Voilà, c'est ça. Et moi, je pense que là, ce que je vous ai raconté, ça suffit pour vous donner envie sans pourtant vous avoir dévoilé quelque chose de très important. Donc observez bien les indices durant le film, c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous ne ressortirez pas... en fait, c'est une expérience très satisfaisante de voir ce film parce qu'on en ressort enrichi, en fait. On a l'impression que le spectateur... Enfin, que le réalisateur ne nous a pas donné les clés en main et qu'on a réfléchi, qu'on a trouvé peut-être une solution, qu'on pense avoir trouvé une solution parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais voilà, c'est toujours très, très satisfaisant. Et enfin, niveau... enfin voilà, le film est vraiment génial. Moi, je vous le conseille énormément. Morgan, toi aussi. Pareil, pareil. Franchement, ouais, moi, je l'ai vu il y a 2 ans, un truc comme ça. Mmh. Et franchement, ça a été une claque aussi. Ouais. Pareil, j'ai pas envie de dire pourquoi, mais c'est vrai qu'à la fin, quand le générique avait commencé, j'étais quand même assez stonné. Et d'ailleurs, ce qui est, alors, n'ayez pas peur non plus. J'avais trouvé le début et j'avais dû en fait le voir une deuxième fois. Enfin, pas la deuxième fois, mais. J'avais arrêté la première fois pour au bout le reprendre. Même pas, j'avais arrêté au bout de 25 minutes. Ouais. Parce que je trouvais ça trop long, ça ne décolle pas, j'y arrive pas, c'est lent. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je crois qu'en fait, je ne vais pas aimer. Voilà. Puis finalement, je me suis dit, bon, c'est quand même dommage. Donc, une semaine après, je l'ai retenté, je me suis investi. Et finalement, voilà, par la force des choses, Non, non, mais c'est satisfaisant, en fait, de voir le film jusqu'au bout parce que tu te rends compte que ça a pas... tout n'a pas été pour rien, en fait. Tout n'a pas été fait pour rien. Et C'est ça, oui, c'est totalement ça. Ouais, et donc voilà, moi on vous le conseille énormément, c'est un très grand film, et bon, si c'est votre introduction au cinéma coréen, peut-être pas, je vous conseillerais peut-être plus Memories of Murder pour commencer, comme on avait dit quand on parlait de Memories of Murder, le grand chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, mais peut-être en deuxième ou troisième film coréen, je pense que ce serait un petit peu trop... compliqué de rentrer directement dans le cinéma coréen par ce film ou par n'importe quel film de Kim Ji-woon d'ailleurs, parce que c'est peut-être le plus compliqué à rentrer dedans par rapport à Park Chung-wook ou à Bong Joon-ho. Je trouve ces films plus compliqués pour un non-initié. Je pense aussi, je suis d'accord. Ouais, donc voilà. Eh ben, on vous conseille Bittersweet Live au lieu de la nonne. C'est ce qu'on peut retenir. Ah ouais, quand même, ouais. Non mais voilà. Ouais. Croyez-nous sur parole. Voilà, croyez-nous sur parole, vous n'allez pas le regretter. Non. Et du coup, on a fini cette sélec et on va passer au film du mois. C'est parti. On est à la rubrique du film du mois et ce mois-ci, pour le mois de septembre, on a décidé de vous parler de Première Année, film français, sorti en France le 12 septembre 2018, réalisé par Thomas Lilti, pardon, j'ai eu un peu de mal avec le Lilti, nom. Ouais. Avec le nom. Au niveau de la distribution, les acteurs principaux sont Vincent Lacoste et William Lebgill, que vous avez pu voir dans la série Soda. Voilà. Mais bon, ne vous arrêtez pas à ça parce que c'est la première fois que je le voyais hors Soda et je trouve que c'est un très bon acteur. Il est excellent. Excellent. Moi, pour ma part, c'est la première fois que je voyais un film de Thomas Lilti. J'avais pas vu. Comment ça s'appelle Hippocrate, ouais, voilà, ni médecin de campagne. Je suis pas déçu d'avoir tenté le film parce que c'est finalement un très bon petit film. Médecin de campagne. Ouais, médecin de campagne. Oui, non. Il est très bon. Au fait, je parle de première année. C'est la première fois que je voyais un film de Tom Hanks. En fait. Moi, j'ai pas vu ni Hippocrate, ni Médecin de campagne. Donc, c'est la première fois que je rentrais dans son univers, entre guillemets. Et du coup, voilà, j'ai pas regretté. Donc, le film parle d'une première année de médecine, en fait, du début donc, des admissions jusqu'aux admissions en deuxième année. Voilà. Antoine, donc interprété par Vincent Lacoste, tente pour la troisième fois de réussir à la première année de médecine, alors que Benjamin, interprété par William Lebgill, tout juste bachelier, essaie pour la première fois. Et donc une amitié va se nouer entre les deux, malgré leurs différents milieux sociaux. Benjamin, qui est un fils de docteur, est logé à proximité de la faculté de médecine, tandis qu'Antoine passe beaucoup de temps dans les transports pour retourner chez lui. Ils révisent ensemble et mettent au point une stratégie pour ne pas se disperser chaque moment de la journée et penser pour optimiser leur temps et mémoriser le maximum d'informations possibles pour pouvoir répondre aux questionnaires le jour de l'examen. Voilà. Ça c'est le synopsis que je peux vous donner sans vous dévoiler trop de l'intrigue, même s'il n'y a pas d'énormes spoilers je pense dans ce film, à part la toute fin j'ai envie de dire, même si on peut peut-être s'y attendre. Elle est surprenante. Non, attendu, je dirais pas ça. Moi. Non, elle est pas attendue. Elle est pas attendue. Ouais. C'est une très bonne fin, j'ai trouvé. Donc voilà, ça c'est pour présenter le film un peu. Et du coup, Morgane, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était le premier film de Thomas Hanks? Non, moi j'avais vu Hippocrate en 2014, que j'avais trouvé excellent, parce que voilà, j'avais jamais vu, et je crois qu'Eddie a beaucoup aimé aussi. C'est un peu un domaine qu'on connaît bien professionnellement. Le milieu hospitalier, enfin lui c'est personnes âgées, moi aussi d'ailleurs, mais ouais. On connaît un peu le truc, les problématiques, tout ça, les échanges entre collègues durant les salles de pause, les fous rires pour décompresser, tout ça, on connaît ces trucs-là. Et je trouvais que c'était un film qui allait dans le vrai. Alors effectivement, on n'attend pas forcément du cinéma qui parle de choses vraies, mais en tout cas, c'est bien de mettre la lumière sur des sujets de société comme ça qui nous concernent, puisque la médecine, c'est quelque chose d'universel. On a tous été, une fois dans notre vie, dépendants d'un hôpital ou d'un médecin. Voilà, et je trouvais que Hippocrate était vraiment un film très sincère. On n'était pas en plus dans le truc estampillé TF1. On était vraiment dans quelque chose de fort, d'authentique, de vrai. C'était vivant, pétillant, et les acteurs étaient excellents. Reda Kateb avait eu d'ailleurs le César du meilleur acteur dans un second rôle, et c'était mérité parce que c'était la révélation du film. Voilà. Et Vincent Lacoste, moi, m'avait surpris. À partir de ce moment-là, je fais « Ouh, Lacoste », que je voyais un peu comme un espèce de... pas de crétin, mais c'était un peu le désinvolte avec des gros cheveux. Là, je me suis dit, ah, il est intéressant, il sait jouer finalement. Et donc après, il y a eu Médecin de campagne avec François Cluzet, que j'avais beaucoup aimé aussi, mais qui me touchait moins, parce que lui parlait vraiment des médecins qu'on voyait dans les campagnes, et nous, comme moi, j'habite dans une ville, j'ai pas ces problèmes-là. Donc, même si je les comprends, même si je sais qu'ils existent, je dis pas que je me sentais moins concerné, mais c'était excellent néanmoins. Et là, en fait, avant les études, avant la médecine, il y a les études. Et qu'est-ce que sont que les études de médecine aujourd'hui? Et ça va encore plus loin que ça. C'est pas qu'est-ce que sont que les études de médecine, c'est qu'est-ce que sont les études en général. Le système universitaire français actuel, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, dans quel état il est? Alors, on n'est pas du tout dans un film qui va dénoncer. On n'est pas dans un film qui va faire un portrait à charge. On n'est pas dans Envoyé spécial, par exemple. Hein, on n'est pas du tout là-dedans. Il raconte ce qu'il a vécu. Il raconte des choses, C'est très objectif, en fait, la vision qu'il a. Il dit pas « c'est génial », il dit pas « c'est pas bien », ou « ils font mal », ou « ils font bien ». Il expose les choses. C'est à nous de se dire « est-ce que je pourrais ? Est-ce que je pourrais supporter cette cadence-là » Parce qu'en plus, il montre ça comme un film qui... c'est quand même l'histoire de deux athlètes intellectuels, mais deux athlètes avant tout, qui vont devoir se surpasser, qui vont devoir aller là où ils ne sont jamais allés. Pourquoi ? Pour eux, pour leur famille. Alors, ils ont chacun des motivations différentes. On voit bien que le personnage de Vincent Lacoste, lui, c'est lui parce qu'il est persuadé d'avoir ça en lui. Alors que le personnage de William Lebgill, lui, c'est ça part d'un atavisme familial. C'est-à-dire que dans sa famille, tout le monde a fait des études de médecine. Il veut que son père soit fier de lui. Donc, finalement, ce sont des motivations différentes, mais qui vont les amener au même endroit. Et c'est ça, les études. Quand on est à l'université... Ok, on est dans la même promo, ok, on est dans la même filière, mais on n'a pas les mêmes motivations. Tout ne part pas de la même chose. Et on n'a pas les mêmes facilités aussi. On n'a pas les mêmes facilités. C'est un gros point du film. On n'a pas les mêmes facilités, que ce soit des facilités intellectuelles ou que ce soit des facilités financières, des facilités sociales aussi. On voit bien qu'il y en a un qui s'intègre plus vite que l'autre. Il y en a un qui est plus autonome et qui est plus épaulé, on va dire, qui est plus aidé. Donc William Lemieux, il est beaucoup plus épaulé. Alors que Vincent Lacoste, lui, bah, c'est la deuxième fois qu'il redouble. Donc c'est sa troisième année, je crois. Ouais, c'est ça. Sa deuxième, je ne sais plus. C'est ça. On voit bien qu'il est tout seul face à cette galère. Il est dans un, il est tout seul dans la, il mène la barque tout seul. Alors que le personnage de William, bon, bah, il a son père quand même. Bon. Jusqu'où va le soutien du papa, ça on vous laisse découvrir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très fort dans le film. Ouais, et ben, je trouve que c'est la manière dont il a de mettre la lumière sur ces personnages-là qui sont les héros de demain, finalement, qui sont nos anges gardiens de demain, ceux qui vont nous soigner. Mais on voit vraiment, quand j'ai vu ce film-là, j'étais tétanisé. Je me dis, il y a quand même des gens qui vont être médecins dans 10 ans et qui vont devoir supporter ça. Faut leur donner la médaille, il faut leur donner le Légion d'honneur à ces gens-là, parce que c'est des machines. D'ailleurs, je trouve ça très bien, la métaphore du serpent. J'ai trouvé ça excellent. Ça dit beaucoup de choses. Et les dialogues sont savoureux, les acteurs sont époustouflants alors qu'ils sont tout en sobriété. On vit avec eux leur peur. Et j'ai eu l'impression, moi qui ne suis jamais allé à la fac de ma vie, même si là je reprends les études et je suis dans un cursus universitaire, mais j'ai vécu l'angoisse des examens, le stress. Des résultats, mais la ça, pression. Ouais, ça, c'est pas limité à l'université. Hein, c'est... Ouais, mais à ce niveau-là, vraiment, ouais, c'est un enjeu important quand même. Parce que moi, le plus haut que j'ai passé, c'était le brevet des collèges. Quoi. Je suis jamais au lycée de ma vie. Donc, du coup, c'est un peu moins grave de rater le brevet que de rater son année, sa licence. Quoi. Et en fait, j'ai trouvé que c'était monté comme une espèce d'une épreuve sportive et tout. C'est deux athlètes, c'est un rythme olympique. Il y a quelque chose d'effréné qui ne s'arrête jamais. C'est une grosse machine. Et c'est génial de réalisme et d'objectivité surtout, quoi. C'est un film qui dit, regardez ce qu'il en est, à vous de juger. Moi, je montre juste ce que je sais. Puis en plus de ça, comme il est passé par là, parce que rappelons que Thomas Lilti, pourquoi... C'est un médecin réalisateur, c'est quand même... C'est un ancien médecin réalisateur, tout comme Michel Cymes, c'est un ancien... Enfin, est un médecin pour les présentateurs télé. Ouais. Et Stéphane Plaza, agent immobilier, enfin voilà. Donc, il fait de son métier un art. C'est très beau, parce que la médecine est un art aussi avant tout. C'est pour ça que Hippocrate, il parle de ce qu'il connaît. C'est pas, tiens, tu es un réalisateur, tiens, tu as l'air talentueux, parle-moi de la médecine. Bon, bah ok, je vais aller sur Wikipédia. Non, non, il parle de ce qu'il a connu, il parle de ce qu'il a vécu. Il y a des phrases qu'il a... On sait bien qu'un scénariste, aussi doué soit-il, il n'aurait jamais pu sortir une réplique comme ça. Parce que ça, c'est que quelqu'un qui est allé sur le terrain, qui a vécu ça, qui a pu le dire. Et je trouve que c'est ça sa force. C'est sa légitimité et son talent de réalisateur. Les deux ne sont pas du tout indissociables. Et je trouve que ça donne un film, pour moi, merveilleux. Qui est vraiment utile et qui est important de voir. Parce que tout part de là. Mais et aussi, en fait, de dire que... Enfin, ce que ça dit aussi du surpassement de soi, de la fierté. Enfin, c'est aussi avant tout une histoire de famille. Et j'ai trouvé ça mais touchant. Les 10 dernières minutes, enfin la fin du film, est vraiment belle. Ouais, elles sont déchirantes aussi, hein, à certains moments. Enfin, j'en dis pas plus, mais avec le personnage de Benjamin, la fin, moi, je l'ai trouvé très... enfin, déchirante, quoi. Avec le repas à la fin, voilà, pour pas dévoiler plus. Mais, ouais, non, c'est un très bon film, franchement. C'est assez surprenant, vraiment. Moi, je m'attendais pas à aimer autant, en fait, le film quand je suis rentré dans la salle. J'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air intéressant, surtout, enfin moi, le milieu m'intéressait beaucoup, enfin, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment ça se passait vraiment, cette première année de médecine, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est un bon substitut, j'ai envie de dire, pour comprendre un peu la folie que c'est, les nerfs qu'il faut avoir pour supporter ça, et d'ailleurs, on voit que... au fil du film, il y a certains personnages qui ne supportent plus la pression et qui partent un peu dans la folie. Voilà, c'est vraiment super intéressant à suivre. Cette première année qui a pour seul but, en fait, le seul but de cette première année, c'est d'étudier à fond pour avoir une meilleure place dans une loterie qui permettra de décider dans quelle branche de la médecine vous allez étudier à la fin. Et ça me paraît complètement... quand on y réfléchit objectivement et qu'on n'est pas dans ce milieu-là, ça paraît complètement fou que l'avenir de quelqu'un qui a étudié pendant un an la médecine est basé sur une loterie, en fait. Que ça se base que là-dessus. Et donc, c'est là que, à la fin, on a une grosse révélation qui est claire, qu'on l'attendait pas et elle est assez surprenante. Donc, les acteurs, pour moi, sont vraiment la force du film, j'ai trouvé, plus que la réalisation, plus vraiment que même l'histoire ou la musique qui est assez insignifiante, j'ai trouvé. Les acteurs, c'est vraiment le... J'aime bien la musique du début, moi, enfin, le générique de fin, qui est Donna Hathaway. Ah, là, oui, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. C'est oui si c'est vrai, il y a cette musique qui est sympa, mais pour moi c'est vraiment les acteurs qui sont la colonne vertébrale de ce film, pour faire une métaphore de médecine. Vraiment, sans eux, je pense que tout le film tomberait à plat, parce que c'est eux qui vendent et qui sont crédibles dans ces rôles d'étudiants. Honnêtement, j'avais pas l'impression d'avoir des acteurs devant moi, et vraiment d'avoir des étudiants qui, avec toutes leurs galères, ce qu'ils doivent vivre et ce qu'ils doivent faire pour passer cette première année. Et ce qui est bien, c'est qu'on la suit de façon chronologique. On passe quelques étapes, bien sûr, mais c'est agréable de voir l'évolution des personnages du début. Donc de la première journée en fait en fac de médecine, jusqu'à cette dernière où il y a cette loterie finale pour passer en deuxième année. Donc voilà, moi j'ai trouvé le film vraiment très intéressant. J'ai trouvé par contre que la réalisation manquait peut-être d'un petit quelque chose pour que je me dise waouh, c'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma. Évidemment. Voilà, je suis d'accord avec toi là-dessus. Sans être méchant, et je veux pas être méchant quand je dis ça, mais on a un peu l'impression d'avoir un téléfilm avec un budget un peu plus gros. Mais c'est sobre, Sobre, c'est classique, il en faut pas plus pour. Peut-être trop. Ouais, c'est vrai. Le seul moment qui est vraiment intéressant cinématographiquement parlant, les examens qui est assez impressionnant. Et aussi, c'est vertigineux, c'est très vertigineux. Ouais. D'ailleurs, mars dernier, j'étais dans une salle comme ça parce que je passais aussi un examen, et c'est aussi impressionnant que ça a l'air, parce que quand on a 2000 personnes autour de nous qui font tous la même chose, c'est vraiment très impressionnant, même si on se retrouve. Alors là, en plus, comme on a le recul de la caméra, c'est encore plus impressionnant de voir ces fourmis au travail. Et ce que je voulais dire aussi au niveau cinématographiquement parlant, un moment qui m'a vraiment plu, c'est le moment où on les voit affaissés sur leur lit, entourés de millions de bouquins. C'est un peu une séquence de rêve, un peu imagée. C'est le seul moment où on sort un peu de la réalité, et la caméra en fait, est au-dessus des personnages, et on voit des milliers de bouquins autour d'eux dans une ambiance un peu bleuâtre, comme ça. Et c'est vraiment... Enfin, visuellement, c'était joli, je trouve, à l'image. Il y a aussi l'histoire d'amour... Enfin, d'amour, entre guillemets. C'est justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en fait pas une histoire d'amour avec la voisine. La voisine qui est, je sais pas, vietnamienne ou chinoise. Ah oui, oui, oui, oui. En fait, on se rend compte que, enfin, ils se rendent compte finalement qu'ils ont finalement pas les mêmes intérêts, et qu'ils ont, en fait, en dehors des bonjours, comment ça va, etc., ils ont pas grand chose à discuter, puisqu'ils sont complètement dans un monde différent. Et du coup, moi j'ai trouvé ça très intelligent de pas en faire juste une histoire d'amour banale, quoi, et de parler de ça comme ça, de laisser ça au mystère et de laisser ça comme ça. Voilà, moi j'ai trouvé ça très, très intéressant, et qu'est-ce que je pourrais dire de plus, je crois que on a à peu près tout dit là sur ce film. Bah oui. C'est franchement, si vous ne pensiez pas aller le voir, moi je vous le conseille quand même, parce que c'est un film agréable à suivre. Il y a une vraie tension de savoir est-ce qu'ils vont réussir ou pas à chaque fois qu'ils vont aller, parce qu'ils vont plusieurs fois voir leur nom sur le tableau, s'ils ont réussi certaines étapes du concours. Et à chaque fois, c'est assez stressant. On est vraiment dedans avec les personnages, et on s'y croit vraiment. Et c'est agréable. Et de voir la relation entre Benjamin et Antoine, se développer, se casser à certains moments, etc. C'est aussi très intéressant. Ouais, l'amitié, voilà. La rivalité, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est... Et puis, comme je disais au début, comme on disait au début, les facilités de certains contre l'acharnement, le travail, etc. D'autres. Ça, enfin, personnellement, moi, ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Donc, c'est un film qui m'a beaucoup parlé aussi. Donc. Voilà, on vous le conseille énormément, et puis on n'a plus grand chose à dire là-dessus. Enfin, je pense que toi, tu n'as plus... t'as tout dit, ok. J'ai tout dit, moi. Très bien. Et au scénario, au fait, c'est Thomas Lilti aussi. Hein. J'avais pas dit, mais c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, on vous le conseille quand même, et puis ben, on va passer tout de suite à la Minute Nerd. C'est parti. La rubrique de la Minute Nerd, pardon. Et moi, je vais vous parler rapidement de deux petites choses, deux petits projets qui me plaisent beaucoup, qui m'ont plu ces derniers temps, parce que bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de Minute, que moi, j'ai pas fait de Minute Nerd, en tout cas, ça doit faire depuis avril, je pense, puisqu'on avait fait le podcast de mai et de juin pour Morgan et Eddie, et moi, du coup, ça fait depuis avril. Enfin, ouais, il me semble que je vous ai pas parlé de quelque chose qui me plaisait, donc j'en profite pour parler deux petites choses rapidement. Désenchanté, premièrement, série de Matt Groening. Pour ceux qui me connaissent, savent à quel point je suis un fan absolu des Simpsons, bien sûr, mais aussi de Futurama. Et en gros des séries de Matt Groening, même si c'est pas que lui à la production, puisque c'est beaucoup de personnes qui ont été derrière les Simpsons et Futurama qui se retrouvent pour cette série sur Netflix, donc 10 épisodes sortis le 17 août 2018. À la production, on retrouve Josh Weinstein qui n'a rien à voir avec, avec un autre Weinstein dont on ne parlera pas ici, qui a écrit beaucoup d'épisodes des Simpsons et certains de Futurama. Il y a David X. Cohen qui était aussi sur la production de Futurama et qui a écrit beaucoup d'épisodes jusqu'à la fin. Enfin voilà, il y a vraiment des personnes dont le talent n'est plus à prouver, qui sont derrière cette série, et que moi j'ai envie de la défendre parce que j'ai vraiment adoré cette série, et je vois beaucoup de monde qui la bâche parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même humour, machin. Moi personnellement, j'ai pas tout, enfin bien sûr on retrouve des similarités rien que dans le dessin. Il y en a certains qui en ont un peu marre du dessin à la Simpson parce que ça fait 30 ans qu'on en bouffe. Moi personnellement, ça me plaît toujours autant de découvrir des mondes un peu et là en fait ça se passe pour une fois parce que Futurama se passait dans le futur en l'an 3000, les Simpsons c'est un peu la version américaine, enfin c'est l'Amérique de maintenant satirique. Et je suis plutôt South Park si on parle de satire, mais... ouais. Oui, au début c'était la satire, là c'est plus un miroir sur la société américaine, un peu déformée, on va dire, voilà, au lieu de satirique. Désenchanté, c'est sur un monde fantastique, au Moyen-Âge, avec des elfes, des nains, des ogres, voilà, c'est complètement loufoque, c'est vraiment super bien animé. Franchement, au niveau de l'animation, ça claque vraiment. Moi, j'avais pas vu ça. Enfin, c'est toujours, en fait, c'est du même niveau de qualité que l'était Futurama, parce que Futurama c'était un cran au-dessus des Simpsons en termes d'animation, parce qu'ils mélangeaient de la 3D, de la 2D avec brio, et là c'est vraiment le cas, et c'est magnifique. On retrouve aux voix, enfin moi personnellement, je l'ai vu en VO. Je peux pas vous dire si la VF est bien, mais en tout cas au niveau de la VO, on a Abby Jacobson, Nat Faxon et Eric Andre qui jouent les rôles principaux et qui sont juste géniaux. Ce qui est bien aussi avec Désenchanté par rapport au Simpson qui fait des histoires séparées et qui et Futurama, c'est que on suit un arc en fait. L'histoire se suit en fait. On n'est pas à chaque fois dans des épisodes complètement différents, etc. Même si Futurama avait pu explorer ça aussi dans sa dernière saison aussi avec des épisodes plus canoniques, enfin qui se suivaient. Là c'est vraiment poussé au bout et l'histoire est vraiment satisfaisante jusqu'à la fin. Je sais que beaucoup de monde bâchait parce qu'ils avaient vu les 2-3 premiers épisodes et disaient ah c'est toujours la même chose, y a rien de très exceptionnel, mais finalement je vois aussi beaucoup de retours des personnes qui ont vu jusqu'à la fin et qui se disent ah ben finalement ça a été ça valait le coup d'attendre de voir jusqu'à la fin parce que tout se met en place pour jusqu'au 10e épisode donc où il y a une chose assez énorme qui se passe même au 9e on est vraiment investi dans les personnages etc. c'est vraiment génial, moi je peux que vous la conseiller si vous l'avez pas encore vu. C'est 10 minutes c'est 10 épisodes de 25 à 30 minutes, donc c'est pas un gros investissement par rapport à une série qui dure, ou des épisodes qui durent 1 heure ou 45 minutes. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller ça, c'est vraiment génial. Et moi j'attends avec impatience la suite de cette première saison. Je veux pas non plus qu'ils se forcent à la faire rapidement parce que. Je veux que ce soit au niveau de la qualité, et je pense que ce sera toujours d'animation, des dialogues, des blagues aussi qui sont super drôles, les jeux de mots qui sont extraordinaires, enfin toujours au même niveau de qualité auquel nous a habitué Matt Groening, les Simpsons ou Futurama, voilà. Donc je peux que vous conseiller cette série si vous ne l'avez toujours pas vue. Et deuxième rapidement, là je vais moins parler, je suis fan de, c'est un peu mon côté emo entre guillemets, je suis fan d'un groupe qui s'appelle Columbine et qui a sorti son troisième album qui s'appelle Adieu Bientôt. C'est un groupe de rap slash variété française on va dire, même si, enfin il force un peu les barrières, enfin les comment dire, ah mince. Je peux pas t'aider là. Débrouille-toi. Y a pas de souci. Trouve le mot vite. Trouve le cas, mot. Voilà. Je vais abandonner parce que je le trouverai pas. voilà. Ils ne se contentent pas d'un seul genre. Ils font ce qu'ils veulent et ça, c'est vraiment plaisant. Il y a 20 morceaux, donc c'est 60 minutes à peu près en tout de l'album. Et il est sorti le 28 septembre 2018. Et je vous conseille énormément. Si vous aimez ce type de. Enfin, ce genre de musique, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup, donc voilà. C'est la fin de cette minute nerd qui a été. J'ai essayé de caser tout ça parce que sinon, si j'avais parlé de l'album plus, ou de Désenchanté dans 3 mois, ça valait plus le coup. Donc voilà, restez dans l'actualité. Du coup, on va passer tout de suite à la fin du podcast. C'est parti. On est donc à la fin de ce podcast qui a été court, on vous l'avait annoncé, hein, à peu près une 45 minutes on va dire, avec toutes les coupes qu'on a faites. Du coup, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je remercie aussi Morgane de m'avoir accompagné. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Venu. Hein. Et je dis pas ça pour. Je le pense vraiment. C'est vraiment toujours un plaisir de parler avec toi et puis Eddie, bien sûr, on lui fait un petit coucou. Hein. Il n'a pas pu. Non. Il a... Non. Il a... D'accord. Il n'a pas pu. Qui reste où il est, il nous manque pas. Si t'écoutes mais... ça, Eddie, on pense pas vraiment. Non, mais voilà. Si, coucou Eddie. Voilà. Donc, on va vous rappeler rapidement où vous pouvez tout nous retrouver si vous avez envie. Donc, moviesnerd.net pour les critiques, les podcasts audio et les émissions en vidéo. Sur les réseaux sociaux, c'est movies_nerd sur Twitter et moviesnerd tout court sur Facebook. Vous pouvez nous écrire à contact@moviesnerd.net, c'est notre adresse mail. Et vous pouvez noter le podcast sur iTunes, PodCloud et d'autres plateformes aussi de podcasts. Toutes les plateformes où vous écoutez des podcasts, ça nous fait monter dans les classements et ça nous fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Et moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, Movies Nerd. Twitter, j'y suis plus quasiment, mais vous pouvez toujours me suivre si vous voulez. C'est THELEXAL, donc The Lexal. Voilà. Morgan, quant à toi. Moi sur Twitter, Cinémorgan, pardon. Cinémorgan. Voilà, Cinémorgan, donc Morgan Cinéman, du coup, sur Twitter, sur. Oh là là, sur Facebook, pardon, Morgan Sheridan. Sur Snap, M Cinémaniac, juste la lettre M. M attaché Cinémaniac, voilà. Ok. Ajoutez-moi, je fais des stories très drôles. Okay. Et je fais les flammes avec ceux qui le veulent. Ok. voilà, bon. C'est sur ça qu'on va se quitter, du coup. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve le 31 octobre pour un épisode très spécial. Et, on va essayer de faire début novembre, mi-novembre, le podcast Movies Nerd 44 sur les films d'octobre. Et là, on aura pas mal de choses dont on va vous parler. Il y aura Eddie de nouveau avec nous. Et voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour tout ça très bientôt. Et puis, à la prochaine. Salut. Salut.